إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 24 dans l'explication de Kitab al-Tawhid dans le résumé du Cheikh du Cheikh Saleh al-Fawzan, le résumé du Sharh, et on est toujours dans le chapitre 17 Bab al-Shafa'a, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'intercession, et c'est pour réfuter ceux qui essaient d'utiliser par exemple l'excuse ou le prétexte ou l'argument de l'intercession pour justifier le shirk qu'ils pratiquent lorsqu'ils associent des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mis donc ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid pour justement réfuter ces gens-là qui essaient d'utiliser ce genre d'argument et pour montrer la fausseté de cet argument et la fausseté de cette logique que ces gens-là essaient d'utiliser, cette analogie qui est complètement insensée et contraire à la logique. Puisque, bien entendu, ça implique de faire des ressemblances entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, puisque c'est de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à une créature, à un être humain. Comme par exemple de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à un roi ou à un président. Comme c'est le cas de la part, justement, des gens qui font ce genre de shirk. Yani, il compare Allah subhanahu wa ta'ala à un roi auquel quelqu'un a besoin de se rapprocher en utilisant par exemple un intermédiaire parmi ses ministres ou parmi ses députés ou parmi ses conseillers, ainsi de suite. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable. On ne peut pas comparer ces créatures faibles et ignorantes à Allah subhanahu wa ta'ala puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît mieux que quiconque, il nous connaît mieux que nous-mêmes, tandis que yani, les présidents des compagnies ou bien les chefs des yani, les rois ou les présidents des pays ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'on a comme besoin et puis ne nous connaissent pas, donc ils ont besoin de personnes pour servir d'intermédiaire entre eux et nous, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va continuer donc en lisant les paroles que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité des paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في فيسجد لربه أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه فيحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله لا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. Donc cette parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah que l'imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab a cité, ça signifie ce qui suit, c'est-à-dire que il dit qala Abu al-Abbas. Abu al-Abbas, on va le voir, c'est la kunya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc Abu al-Abbas a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a nié de toute personne en dehors de lui qui serait associée ou à laquelle s'accrocheraient les mouchriquins. Allah subhanahu wa ta'ala a nié tout ce que les mouchriquins utilisent comme intermédiaire ou associé ou intermédiaire ou intercesseur que les mouchriquins utilisent et après lesquels ils s'accrochent pour essayer de d'obtenir un bienfait quelconque ou une faveur quelconque de leur part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien auprès d'elles-mêmes directement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a nié tout ça, puisque premièrement il a nié que quiconque en dehors de lui pourrait posséder quoi que ce soit de l'univers ou pourrait détenir quoi que ce soit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il ne possède aucune part de la création. Et ensuite, il a nié que ces créatures-là pourraient avoir quelque chose à faire dans le fait d'aider Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de préserver ou de garder ou d'entretenir quoi que ce soit de cette création-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas non plus d'aide. Et ensuite, il dit qu'il ne restait que là. Shafa'a, c'est-à-dire il ne restait plus que l'intercession comme argument. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié justement que cette intercession-là, elle ne pouvait servir et elle ne pouvait être bénéfique que pour celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala ou pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait permis d'intercéder. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 28 dans Surat Al-Anbiya, et ils ne peuvent intercéder ou ils n'intercèdent que pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Donc cette intercession que les mouchriquins essaient de prétendre et qu'ils s'imaginent, elle est niée. Au jour de la résurrection, ils n'auront pas droit à cette intercession-là, les mouchriquins. Le Coran est venu nier cette intercession qui est basée sur le shirk. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'au jour de la résurrection, il va se prosterner devant son créateur et il va le glorifier. Il ne pourra pas donc commencer directement par la demande de l'intercession. Première chose qu'il fait, c'est qu'il se prosterne. Et il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission d'intercéder. Et on lui dira ce jour-là, relève ta tête, dis et tu seras entendu, demande et on te donnera et intercède et ton intercession sera acceptée. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Ensuite le Cheikh il dit que Abu Huraira radiallahu anhu a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelle sera la personne qui sera la plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que la personne la plus heureuse de mon intercession au jour de la résurrection sera celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur ou avec une intention pure venant de son cœur, c'est-à-dire avec sincérité et avec pureté dans l'intention. Et ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. Le Cheikh il dit, donc ça c'est encore les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, il dit, et voilà donc l'intercession qui sera pour les gens de la sincérité et les gens de la pureté dans l'adoration, les gens qui n'ont pas commis de shirk, qui étaient sur la pureté, sur l'ikhlas. C'est pour eux qu'on pourra intercéder seulement, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et l'intercession ne sera pas pour les gens du shirk, c'est-à-dire l'intercession ne sera pas pour les gens qui ont commis le shirk. Et il dit ensuite que la réalité de cette intercession, c'est que c'est une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala fait en faveur des gens qui ont été sur le tawhid et sur l'ikhlas, sur la pureté dans leur adoration, c'est-à-dire qu'ils n'ont adoré que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et donc il leur fera part de son pardon, c'est-à-dire il va leur pardonner par l'intermédiaire de la demande ou de l'invocation de celui à qui il aura permis d'intercéder. Et ça c'est en même temps pour honorer ces personnes-là, c'est-à-dire honorer les intercesseurs et pour qu'ils puissent atteindre le statut ou le degré de la gloire comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est al-maqam al-mahmoud. Donc l'intercession en fait c'est un genre d'honneur pour les hommes pieux et pour les prophètes, pour les hommes pieux au jour de la résurrection, et en priorité et avant tout bien sûr notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le premier et c'est le seul qui pourra intercéder au tout début pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement pour les hommes. Ensuite, il termine cette citation en disant que l'intercession que Allah subhanahu wa ta'ala a niée dans le Coran, c'est l'intercession dans laquelle il y a du shirk. Et c'est pour cette raison-là que il a affirmé l'intercession dans plusieurs versets dans le Coran par sa permission. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que cette intercession-là sera uniquement pour les gens du tawhid et de les gens qui ont eu à l'ikhlas, c'est-à-dire qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec pureté, sans associer rien dans leur adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la fin de la citation des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Na'am. Ensuite, donc le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il explique maintenant il donne quelques explications au sujet des termes qui sont employés dans les paroles justement citées de l'imam Ibn Taymiyyah ici, en commençant justement par expliquer Abu al-Abbas qu'est-ce que signifie Abu al-Abbas. Abu al-Abbas c'est la kunya de Ibn Taymiyyah. C'est la kunya de Ibn Taymiyyah. Donc Abu al-Abbas, le Cheikh al-Din, huwa Cheikh al-Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam ابن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة كانت وفاته سنة 728 رحمه الله هجريا. Donc Abu al-Abbas, c'est Sheikh al-Islam, c'est le Sheikh de l'Islam. Taqiyuddin, hein, ça c'est son surnom, Taqiyuddin. Son nom c'est Ahmad, fils de Abdul Halim, fils de Abdul Salam ibn Taymiyyah. Et il est très connu, très célèbre. C'est un des plus grands savants de l'islam. C'est l'auteur de nombreux ouvrages et de nombreux livres, hein, qui sont très très bénéfiques. Et il est décédé en l'an 728, hein, rahimahullah, du calendrier de Al-Hijra. C'est-à-dire 728 après la mort, 728 après la Hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite donc, le Cheikh il explique, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette citation, le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a nié tout ce qui pourrait être utilisé par les mushrikoun pour se rapprocher en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour s'accrocher yani, dans leur adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour essayer d'obtenir un bien quelconque, hein, en disant que, comme on a dit, il a nié qu'ils aient quoi que ce soit de son royaume, quoi que ce soit, hein, comme, c'est-à-dire pour nier qu'ils soient propriétaires de quoi que ce soit dans l'univers. Ou bien, d'une part, de, hein, ils ne sont pas propriétaires de rien de ce qui est dans l'univers, et pas même d'une portion ou d'une part. Et le terme qui est employé, ici, c'est « qistun » ou « qistun minhu ». Qistun, le Cheikh il dit que « al-qistu huwa al-nasib ». Donc « al-qist » en arabe, c'est la portion, d'accord ? Et la part, on peut dire la part, on peut dire la portion. « al-shafa'atu allati yazunnuha al-mushrikoun » ay التي يطلبونها من غير الله من الأنداد. Donc l'intercession que les mushrikoun imaginent ou qu'ils essaient d'affirmer, hein, et qu'ils pensent, c'est l'intercession qu'ils recherchent d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les semblables et les égaux qu'ils affirment ou qu'ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette intercession là elle a été niée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Wa akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le ay fi al-hadith al-thabit fi al-sahihayn wa ghayrihima min hadith al-shafa'a. C'est-à-dire le cheikh l'explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Ibn Taymiyyah, cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il fait allusion un hadith dans cette citation, et le hadith auquel il fait allusion, c'est le hadith de l'intercession dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'au jour de la résurrection, justement, il va se prosterner, hein, parce qu'on sait que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, qu'au jour de la résurrection, tous les hommes vont essayer de chercher quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont aller à chacun des prophètes, des messagers, un après l'autre, pour demander. Et chaque fois qu'ils vont aller à un prophète, ils vont trouver que ce prophète refuse. Jusqu'à ce que Isa ibn Maryam, lorsque les gens vont venir lui demander d'intercéder pour eux au jour de la résurrection, il va leur dire d'aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va dire oui, ça y est, cette intercession là c'est pour moi, et puis il va s'avancer et se prosterner devant son Seigneur, et il va le glorifier, hein, donc pour dire qu'il ne pourra pas s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avant ça se prosterner et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de demander justement cette permission. Et c'est par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Donc ça c'est dans le hadith en question, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite il dit, وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَا أي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة. C'est-à-dire que le hadith qu'on a mentionné, qui sera la personne la plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection, il a dit c'est, yani, c'est pas écrit au jour de la résurrection, mais ça c'est une clarification que yani, je rajoute dans la traduction pour expliquer, pour faire comprendre. Et il dit que c'est celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, avec sincérité et avec pureté venant directement de son cœur, c'est-à-dire que il le dit avec sincérité et pureté, sans rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cette personne-là pour qui on va accepter l'intercession et qui sera la plus heureuse de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le cheikh il explique ça justement en disant As'adun nas aktharuhum sa'adatan biha. C'est-à-dire que les gens qui auront plus de joie et de bonheur par rapport à cette intercession là. Bien entendu, ceux qui auront le plus de bonheur et de joie ce jour-là par rapport à cette intercession, c'est ceux qui auront droit, hein, puisque ceux qui n'auront pas droit à cette intercession à cause du shirk qu'ils ont commis, eh bien ces gens-là seront malheureux, hein, par rapport à l'intercession, puisqu'ils n'auront pas droit. Hein, donc ceux qui la demandaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'y auront pas droit, puisque ça c'est bien entendu une forme de shirk. Ensuite le cheikh dit خالصا من قلبه احترازا من المنافق الذي يقولها بلسانه فقط. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il clarifie que c'est celui qui dit la ilaha illallah خالصا من قلبه, c'est-à-dire avec sincérité et pureté dans son cœur ou de son cœur, ça c'est pour exclure l'hypocrite, le munafiq, celui qui dit la ilaha illallah uniquement avec sa langue sans y croire dans son cœur. Le cheikh il dit wa haqiqatuhu ay haqiqatul amri fi bayan ash-shafa'ati as-sahihati la kama yadhunnuhu al-mushrikun wa haqiqatuhu ay haqiqatul amri fi bayan ash-shafa'ati as-sahihati la kama yadhunnuhu al-mushrikun. Donc la réalité de cette chose, c'est-à-dire, le cheikh il dit, c'est-à-dire l'explication de l'intercession qui est correcte, et non pas celle que s'imaginent les mushrikoun, hein, qui est l'intercession qui est établie sur le shirk ou basée sur le shirk. Donc, l'intercession qui sera une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de la pureté et de la sincérité, ça c'est bien entendu, comme le cheikh il le dit, c'est l'intercession qui est correcte et bonne et valable, c'est-à-dire celle qui est demandée uniquement à Allah, qui est basée sur le tawhid. Al-maqam al-mahmoud ay alladhi yahmaduhu fihi al-khala'iq kulluhum. Donc al-maqam al-mahmoud, c'est, comme j'ai dit, la position, le degré de gloire ou le statut de gloire ou la position de gloire, c'est-à-dire la position que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura au jour de la résurrection vis-à-vis de toutes les créatures, du fait qu'il sera glorifié, hein, et on lui fera des éloges au jour de la résurrection, puisque c'est le seul qui à qui on permettra d'intercéder au jour de la résurrection en premier pour que le jugement soit établi. Donc imaginez comme au jour de la résurrection tous les hommes sont debout en train d'attendre que Allah subhanahu wa ta'ala commence à établir le jugement, puis le soleil est très près de leur tête et on sait que les gens seront dans leur sueur selon le niveau de leurs œuvres, Yani justement, c'est un maqam, c'est un moment qui est très difficile pour les créatures, et tout le monde espère justement yani que le jugement commence justement. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran que c'est un jour qui dure 50 000 ans. Donc c'est un jour pénible, un jour difficile. Et donc tout le monde cherche quelqu'un qui pourra justement intercéder pour eux, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pourra intercéder ce jour-là seulement. Et donc c'est pour ça que c'est un degré qui est un degré de gloire à cause de ça, parce que toutes les créatures vont le remercier pour ça. مقصود المؤلف من سياق كلام شيخ الإسلام هنا أن فيه شرحا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات، ففيه أولا صفة الشفاعة المنفية، صفة الشفاعة وصفة الشفاعة المثبتة. Donc le cheikh il explique que la raison pour laquelle le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite les paroles de Cheikh l'Islam ici. Premièrement, c'est parce que c'est une explication, une clarification de ce qui est mentionné dans ce chapitre comme verset. Et il y a dedans l'explication, justement, premièrement, de la description de l'intercession qui est niée, et la description de l'intercession qui est affirmée dans le Coran. Donc on décrit les deux, puis on fait la distinction entre ces deux intercessions-là. Et parce qu'il y a des gens de bid'a qui accusent justement les salafiyoun, qui accusent les gens qui suivent la voie des salafs et qui sont sur le tawhid, de nier l'intercession. Ils disent, vous niez l'intercession. Et il y a des gens d'égarement justement, donc parmi les... comme il y a les deux extrêmes en fait. Il y a les soufis et les adorateurs des tombes qui essaient de dire qu'on nie l'intercession parce que pour eux, l'intercession qui est valable, c'est l'intercession qui est sur le shirk. C'est le fait de demander aux morts l'intercession. Donc le fait que nous, on nie cette intercession-là, eux, ils considèrent que c'est une négation de l'intercession. Nous on dit non, ça c'est une intercession qui est niée par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'on la nie. Puisque dans le Coran il y a deux catégories d'intercession, celle qui est affirmée par Allah subhanahu wa ta'ala et celle qui est niée. Et celle qui est niée, c'est celle qui est basée sur le shirk, celle qu'on demande à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'intercession qui est affirmée, c'est l'intercession qui est demandée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sera accordée uniquement par la permission d'Allah au jour de la résurrection, et uniquement pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a agréés, puisqu'ils n'ont pas commis de shirk et qu'ils sont sur le tawhid au jour de la résurrection. Donc ça c'est le premier exemple. Puis il y a d'autres groupes parmi les gens de bid'a comme les khawarij et les mu'tazila qui ont nié l'intercession des prophètes et des hommes pieux au jour de la résurrection, et la raison pour laquelle il le nie, c'est parce qu'il se base sur des versets dans le Coran parfois, mais ces versets-là, lorsque ces versets-là nient qu'il y aura une intercession ou qu'il y a une intercession, c'est en fait pour nier l'intercession de la part des mushrikins. Comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, c'est-à-dire l'intercession au jour de la résurrection ne leur sera pas bénéfique. L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Et les ulama ont expliqué que ça, c'est pas une négation absolue de l'intercession. C'est uniquement une négation de l'intercession pour les mushrikines, pour ceux qui ont commis le shirk. Donc, il faut faire la distinction entre ces choses-là. Et ça, c'est pour donc réfuter les gens des extrêmes, justement. Thanian, puisque les Khawarij et les Mu'tazila, eux, ils disent qu'une fois que quelqu'un rentre en enfer, ça y est, c'est fini. Il ne pourra plus sortir. Contrairement à ce qui est expliqué et clarifié dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques et qui expliquent que les gens des péchés, qui ont commis des péchés, qui sont parmi les gens qui ont commis des grands péchés au jour de la résurrection, et dans, également dans ceux qui parmi eux sont entrés à l'enfer pour un certain temps, ils vont sortir par l'intercession des intercesseurs. Donc ça c'est une explication à ce sujet-là. Deuxièmement, le Cheikh il dit ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له فيها. C'est-à-dire que dans cette citation, il y a également la mention de la grande intercession qui est appelée Al-Maqam Al-Mahmoud, ou le statut ou la position de gloire, et qui explique ce que fera le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, pour que, jusqu'à ce qu'il ait la permission de pouvoir justement intercéder de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 3, أن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإيمان. Que les gens qui seront les plus heureux d'avoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, ce sont les gens de la foi, hein, les gens qui ont dit la ilaha illallah avec sincérité dans leur cœur, avec ikhlas. Ensuite le Cheikh dit faïda له صلى الله عليه وسلم ستة أنواع من الشفاعة. Donc un petit point bénéfique ici que le Cheikh mentionne, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم il a 6 catégories d'intercession, 6 sortes d'intercession qui lui sont affirmées. الأول الشفاعة الكبرى التي يختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة لأهل الموقف ليفصل الله بينهم ويريحهم من مقامهم في الموقف. Donc le Cheikh explique que la première catégorie d'intercession qui est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement, c'est la grande intercession, et c'est l'intercession donc comme on a dit pour les gens qui attendent le jugement dernier lorsqu'ils sont tous rassemblés ensemble au jour de la résurrection. Et cette intercession-là, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence à juger entre eux, et pour qu'ils soient, reposés, pour qu'ils aient un répit, pour avoir un répit de cette longue attente, ce jour-là, lorsqu'ils seront debout. Hein. Imaginez, les hommes dans cette vie, Allah musta'an, quand on attend dans une file, soit à l'aéroport ou bien dans un hôpital ou quelque part où on est obligé de rester debout pour attendre, si on attend un peu trop longtemps, on commence déjà à s'impatienter et avoir des douleurs aux pieds ou bien des fatigues dans les jambes, et on veut s'asseoir. Donc imaginez au jour de la résurrection cette attente qui est très très très longue, et on ne peut pas s'asseoir, et en plus de ça on est nu comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé la première fois, et on sait que, comme je disais tout à l'heure, la chaleur du soleil qui est juste au-dessus de notre tête, et également la sueur qui nous couvre selon les degrés de nos œuvres et selon nos péchés. Donc tout ça c'est des exemples de choses difficiles au jour de la résurrection, qui font que justement on a besoin d'un répit, et justement ça c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va, par la permission d'Allah, nous procurer ce genre de répit. Ensuite le Cheikh il dit الثاني شفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوها. C'est-à-dire l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis jusqu'à ce qu'ils puissent y entrer. C'est-à-dire que il y a des gens, donc les gens qui vont rentrer au paradis ce jour-là, au jour de la résurrection, ils attendent après avoir eu leur jugement pour pouvoir rentrer au paradis. Ils sont devant la porte du paradis et ils attendent pour rentrer. et ils ont besoin de quelqu'un pour intercéder pour eux, pour que les portes du paradis leur soient ouvertes. Et c'est justement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là qui aura l'honneur d'intercéder pour eux, pour que les portes du paradis leur soient ouvertes. Donc ça c'est la deuxième intercession, ou deuxième catégorie d'intercession, qui est pour, uniquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et ça c'est encore une fois une position d'honneur pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الثالث الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا دخول النار أن لا يدخلوها. C'est-à-dire, troisièmement, l'intercession au jour de la résurrection, c'est-à-dire l'intercession ce jour-là, au jour de la résurrection, pour les pécheurs qui mériteraient, hein, qui ont fait des œuvres qui feraient qu'ils ils devraient entrer en enfer. Et donc, à cause de cette intercession-là, justement, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'y entreront pas. C'est-à-dire que ces gens-là qui avaient commis des péchés, qui méritaient d'entrer en enfer, ou qui leur méritait de faire qu'ils rentrent en enfer, eh bien, par cette intercession-là, ils n'y entrent pas. Et donc, ça, c'est la troisième exemple de catégorie d'intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il y a quatrièmement l'intercession qui est mentionnée ici, c'est الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. Quatrièmement, l'intercession au jour de la résurrection pour les pécheurs, hein, qui sont rentrés en enfer, c'est-à-dire ceux-là, ils ont été jetés en enfer, pour qu'ils puissent sortir de l'enfer. Donc ça, c'est une intercession qui n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui sera possible aussi pour les autres prophètes et les hommes pieux donc. Et الخامس الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. Donc ça c'est la cinquième catégorie d'intercession pour des gens qui seront entrés dans le paradis, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les augmente en degrés et pour qu'il leur augmente leur récompense et leur degré dans le paradis. Donc ça c'est une cinquième intercession qui est pour les gens du paradis. Et la sixième intercession qui est spécifique également au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme le cheikh il le dit, شفاعته sallallahu alayhi wa sallam في عمه أبي طالب أن يخفف عنه النار. Et c'est-à-dire que ce sera l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle Abu Talib, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui allège son châtiment dans l'enfer. Et cette intercession-là, c'est spécifique à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a refusé de se convertir à l'islam et d'accepter le tawhid. Toutefois, il avait défendu son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va invoquer pour que Allah subhanahu wa ta'ala diminue ou allège son châtiment. D'accord? Donc, ça, c'est pour, en même temps, ça réfute ceux parmi les soufis qui prétendent que Abu Talib ne sera pas en enfer, et qui prétendent qu'il a été ramené à la vie avant, il va être ramené à la vie avant la fin du jugement dernier, avant la fin des temps, pour se repentir et accepter l'islam, et puis qu'il va aller au paradis. Ça, c'est les paroles des soufis, mais il n'y a aucune preuve de ça. Et bien entendu, c'est des mensonges parmi les mensonges qu'il raconte. Et il le nie justement. Pourquoi il nie qu'il sera en enfer? Pour quelle raison? C'est justement pour essayer de justifier qu'il cherche l'intercession des morts et des hommes pieux. Donc et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils croient donc que c'est quelque chose qui peut être en leur faveur. Donc ils refusent d'accepter le fait que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam serait en enfer, puisqu'ils se disent, si son propre oncle qui l'a défendu est en enfer, donc ça veut dire donc que dire de d'autres personnes parmi les gens qui ont commis le shirk, hein, ils ne veulent pas accepter ça, qu'ils ne pourront pas avoir droit à cette intercession. Alors ils nient l'histoire, ils nient également que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient en enfer, et ils nient aussi que le père de Ibrahim alayhi salam ait été parmi les mouchriquins et qu'il soit mort mouchriq. Donc ils nient toutes ces différentes choses là parce que justement pour justifier le shirk qu'ils font en adorant les tombes, ils nient ça. Et certes, je me rappelle, j'ai entendu une fois dans une khutbah, quand j'étais dans une mosquée, il y a un soufi qui disait durant cette khutbah, yani, que c'était pas le prophète, c'était pas le père du prophète alayhi salam, c'est pas le père de Ibrahim qui était mushrik et qui va être en enfer, mais c'est son oncle. Bon, yani, dans le Coran, c'est clair que c'est son père, hein, mais yani, ces gens-là, tu vois, Allah Musta'an, il nie la réalité. Donc ça, c'est la fin de qu'est-ce qu'on avait à expliquer par rapport au chapitre 17, qui était le chapitre au sujet de l'intercession. Et on a lu donc les preuves qui sont mentionnées dans ce chapitre à ce sujet-là. Maintenant, on va commencer donc le chapitre 18. Hein, qui est au sujet, aussi encore une fois de réfuter les arguments des mouchriquins qui essaient de justifier leur shirk. Et on va lire en quoi consiste, justement, cette explication-là par rapport au chapitre ici. Le cheikh, il mentionne un verset, « قول الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. C'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui dit tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Et donc ça c'est donc dans ce verset c'est une réponse aux mouchriquins, et on va voir pourquoi. C'est le verset 56 dans Surat Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes, ou ceux que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et c'est lui qui connaît mieux ceux qui sont bien guidés. Donc, ça c'est le verset en entier. Ensuite, le shaykh, il dit, مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك وذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر وغيره من باب أولى. Donc le cheikh explique que la raison pour laquelle on a placé, où le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est pour réfuter les adorateurs des tombes qui croient que il y a dans les prophètes et dans la personne des hommes pieux un bienfait quelconque ou quelque chose qui peut nuire. Donc ils affirment le fait de pouvoir profiter ou de pouvoir nuire à ces créatures-là parmi les prophètes et les hommes pieux. Et le cheikh il explique ça en disant que on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a essayé de, yani de, d'orienter, de guider son, son oncle durant sa vie, Abu Talib, hein, il a essayé de le guider et de lui montrer le droit chemin et de l'appeler à l'islam, et cela ne lui a pas été possible. Hein, il n'a pas eu la facilité ou la possibilité de pouvoir aller, disons, l'amener à se convertir. Mais après la mort d'Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué, même après ça, il a toujours espéré que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour lui après, même après sa mort. Hein, il avait même dit dans un hadith, je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala me l'interdise. Hein, et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala par la suite lui a interdit ça dans le Coran, dans Surat At-Tawbah. Il lui a interdit. Naam. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, il lui a interdit d'invoquer pour lui, puisque c'est un mouchrik, et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Tawbah, il a interdit de faire des invocations, de demander la miséricorde et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour la miséricorde des mouchriquines après leur mort. Hein, c'est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide durant leur vie, mais pas après leur mort. Après leur mort, on ne peut pas demander pardon pour eux, ni demander la miséricorde pour eux. Et je vais vous citer à ce sujet, justement, le verset. Donc, le verset en question, c'est le verset 113 et 114. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Tawbah, وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Donc ces deux versets là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des mouchriquines, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Donc ça c'est pour expliquer à Annie l'interdiction du fait de demander pardon et de demander la miséricorde pour les mouchriquines après leur mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il l'a fait au début, puis par la suite Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit par ce verset là. Et le cheikh il dit, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le verset 56 dans surat Al-Qasas qu'il ne détient pas la capacité de guider celui qu'il aime. Hein? Et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne détient pas la capacité de nuire ou de profiter quiconque. Et donc on vient détruire par cet argument là l'attachement, hein, et l'attachement que les mouchrikoun ont envers les tombes et envers les morts et envers les prophètes et les hommes pieux, hein, qui demande aux prophètes et aux hommes pieux de ramener un bien quelconque ou de repousser d'eux un mal quelconque en croyant qu'ils ont la capacité de faire ça. Donc ça vient réfuter, hein, ce qu'ils croient. Et si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne peut pas profiter ou nuire, hein, alors qui, toute personne en dehors de lui est encore plus concernée par ça, et on peut encore plus le nier pour autre que lui, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il explique donc le verset, quelques termes ou quelques explications sur des mots du verset. Innaka al-khitab للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc Allah سبحانه وتعالى dans ce verset là, il s'adresse directement au messager, au prophète صلى الله عليه وسلم. لا تهدي هداية التوفيق للدخول في الإسلام. أما هداية الدعوة والبيان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يملكها. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. Donc la tahdi, ici dans ce verset, c'est-à-dire tu ne guides pas. Et cette guidance dont on parle ici, c'est la guidance dans le fait d'être capable de faire rentrer la foi dans le cœur d'une personne et de le faire rentrer dans l'islam. Cette guidance-là, c'est celle qu'on appelle hidayat al-tawfiq, c'est-à-dire d'avoir la réussite et le succès d'être bien guidé, d'arriver à la guidance. Cette guidance-là, c'est celle qu'on ne détient pas. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a la capacité de guider de cette manière-là. Toutefois, quand on parle de la guidance au sujet de l'affirmation qui est faite dans le Coran pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans surat Shura, si je ne me trompe pas, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et certes, tu guides vers un droit chemin. Ça, c'est pour affirmer la guidance qui est en fait dans le sens de la da'wa et de l'orientation et de la clarification. Et cette catégorie de guidance-là, hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la détient, de même que toute personne qui invite et qui appelle au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes. Le cheikh il dit ensuite ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت. Celui que tu aimes, c'est-à-dire celui pour qui tu aimes hidayatuh, c'est-à-dire man ahbabta hidayatuh, celui pour qui tu aimes la guidance, ou celui pour qui tu aimerais la guidance. Tu peux pas guider celui pour qui tu aimerais la guidance. Ça, c'est le sens de ce verset là. Sinon, d'autres ulama ont expliqué, celui que tu aimes d'un amour naturel, hein, puisqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit d'aimer les mushrikines et les kuffars. Et il y en a parmi les gens d'égarement qui essaient d'utiliser ce verset-là pour justifier, hein, pour faire croire qu'il est permis d'aimer les kuffars et les mushrikines, en disant, regardez la preuve dans ce verset, Allah aimait son oncle. Allah lui dit, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Les ulama ont répondu à ça en disant que c'est-à-dire celui dont tu aimerais la guidance. Hein. Ou bien ils ont expliqué aussi que ça peut être l'amour naturel, c'est-à-dire l'amour qui est basé sur le fait qu'il a un lien de parenté. Et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son oncle, et non pas l'amour qui est religieux ou qui est basé sur la foi et l'islam, le tawhid, ainsi de suite. Ensuite le cheikh il dit ولكن الله يهدي من يشاء يوفق للدخول في الإسلام, c'est-à-dire mais certes Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Ça, c'est bien entendu la guidance d'entrer dans l'islam et la guidance dans le sens d'avoir la foi qui entre dans le cœur. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut le faire. Et il guide qui il veut. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَيْ أَعْلَمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْهِدَايَةِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْغِوَايَةِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux les bien guidés, c'est-à-dire il connaît mieux celui qui mérite la guidance de celui qui mérite l'égarement. المعنى الإجمالي للآية donc le sens général de ce verset. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام ولكن ذلك إنما يكون بيد الله فهو الذي يوفق من يشاء له وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. Donc le cheikh, il explique le sens général de ce verset, c'est-à-dire que il mentionne à son prophète, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu n'es pas capable de guider les gens, c'est-à-dire dans le sens de leur donner le succès dans cette guidance et de les faire rentrer dans l'islam, hein, de faire rentrer ceux que tu aimes dans l'islam ou de faire rentrer la foi dans le cœur de ceux que tu aimes, ça tu n'as pas la capacité de le faire. Hein? Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a cette capacité. C'est lui seul qui peut faire rentrer la foi dans le cœur des hommes et c'est lui seul qui peut guider. C'est-à-dire dans le sens de faire rentrer les hommes dans la foi et dans l'islam. C'est lui qui donne le tawfiq à qui il veut. Et c'est lui qui connaît le mieux celui qui mérite d'être guidé de celui qui ne le mérite pas. Hein? C'est-à-dire qu'il le mérite par rapport au fait qu'elle a fait les causes qui fait en sorte que cette personne mérite d'être guidée ou bien qui a fait les causes du fait que cette personne mérite l'égarement. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant et il est sage et il est omniscient. Hein, il sait toutes choses et donc toute chose, il enveloppe toutes choses de sa science. Le cheikh il dit ensuite munasabatul ayati lil bab, en quelle occasion on a mentionné yani ce verset dans ce chapitre, pour quelle raison. Il dit anna fiha dilalatan wadihatan ala anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam la yamliku darran wala naf'a wala 'ata'an wala man'a wa anna al-amra kulluhu bi yadillah fa fiha ar-radd 'ala alladhina yunadunahu li tafrij al-kurubat wa qada' al-hajat. Donc le cheikh il explique la raison pour laquelle ce verset est mentionné dans ce chapitre. Et il explique que dans ce verset, il y a une preuve évidente, apparente et claire sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne détient pas la capacité de nuire à quiconque ou de profiter à quiconque, ni de donner ou de retenir quoi que ce soit. Hein? Et donc, l'affaire entière est entre les mains d'Allah seul. Et il y a donc dans ça la réfutation de ceux qui l'invoquent et qui l'appellent, hein, qui lui demandent de les libérer de leur situation difficile, hein, de leur venir en aide pour les délivrer de leur malheur ou de leur difficulté et pour leur donner ce qu'ils ont de besoin, hein, pour leur remplir leurs besoins. Donc ça c'est la réfutation qui est dans ce verset-là par rapport à ces choses-là. Ensuite, le cheikh il termine donc ce point-là, l'explication de ce verset en disant que il y a des points bénéfiques. Hein, et donc c'est quoi ces points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset? Ma yustafad min al-aya. Le cheikh il dit أولا الرد على الذين يعتقدون أن الأنبياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. Donc premièrement, il y a la réfutation dans ce verset de ceux qui croient que les hommes pieux, les saints, peuvent profiter ou nuire et qu'ils peuvent continuer à contrôler ou gérer quoi que ce soit après leur mort par les miracles qu'ils font et les prodiges. Hein? Parce qu'il y en a qui disent ça. Ils disent, ah mais ces hommes-là, ces hommes pieux-là, si tu vas à leur tombe, tu vas être guéri de telle ou telle maladie, ou tu pourras avoir telle et telle chose, parce que ça, pour eux, c'est des karamat, comme ils disent, ce sont des prodiges. Hein? Et bien entendu, yani, c'est pas de cette manière-là, hein? Et c'est pas de cette façon-là, c'est pas comme ils s'imaginent. Puisque les morts, ils n'ont aucun contrôle de ce qui se produit dans cette dunya. Et tout ce qui se passe, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle. Et les hommes pieux et les saints, hein, quand ils sont dans leur tombe, ils ne peuvent pas nuire ni profiter à quiconque. Hein. On n'a pas le droit de les invoquer en dehors d'Allah, parce que ça, c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de la foi et de l'islam. Deuxième point. ثانيا أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. Deuxièmement, donc, que la guidance, hein, dans le sens que on ait le succès de rentrer dans l'islam, d'avoir la foi qui rentre dans notre cœur, ça c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le détient dans sa main. C'est uniquement par là, entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette guidance-là, qu'on appelle hidayatul tawfiq, c'est uniquement entre les mains d'Allah, hein, contrairement à la guidance dans le sens de l'orientation, hein, la guidance dans le sens de l'orientation et de l'invitation à la foi et de la clarification de la vérité. Ça, bien entendu, les prophètes et les hommes, les prophètes et les messagers, hein? Et les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les ulama, eux ils ont la capacité, hein, de clarifier et d'expliquer aux hommes la guidance de l'islam, mais ça ne veut pas dire que cette personne là va être capable de, disons, va être guidée et va avoir la foi, hein? Tu peux expliquer à quelqu'un l'islam, ça ne veut pas dire que cette personne va être guidée à entrer dans l'islam ou à avoir la foi en l'islam. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer entre ces deux catégories de guidance-là. Il y en a parfois qui utilisent le fait que l'argument, comme par exemple, ils disent, bon, puisque c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, donc essaie pas de convaincre les hommes. Laisse-les dans leur croyance. Hein? Chacun a sa religion. C'est pas ça que le verset signifie. Quand on dit, quand on dit innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha, tu ne peux pas guider qui tu veux, mais Allah guide qui tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Ce verset là c'est pas pour par exemple nier que on doit appeler les hommes à l'islam et leur clarifier les vérités de l'islam et leur montrer la fausseté du shirk qu'ils pratiquent quand ils sont dans des religions de shirk et de kufr, comme par exemple lorsque tu fais la da'wah aux chrétiens ou aux juifs ou aux hindous ou aux bouddhistes ou bien aux athées, et que tu leur donnes les preuves, hein, de la véracité du tawhid et que seul Allah mérite d'être adoré, et que tu leur expliques, hein, les preuves de la véracité de l'islam et la fausseté de leur religion, quand tu fais ça, ça vient pas en contradiction avec ce verset-là, puisque ça c'est qu'est-ce qu'on appelle hidayatu irshad wa hidayatu da'wa, c'est dans le fait de guider, hein, et dans le fait d'orienter, dans le sens d'appeler les hommes à la vérité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et comme les ulama de l'islam le font en expliquant aux gens l'islam et la réalité de l'islam, hein, et comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Et il dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْمًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et également le verset, des versets comme ça dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit أُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Donc tout ça ce sont des exemples, hein. Tout ça, ce sont des exemples de versets qui ordonnent de faire, hein, de la da'wah et d'inviter les hommes à l'islam et de faire ce que les kuffars appellent du prosélytisme, dans le sens de clarifier et de montrer aux hommes la vérité, et non pas comme certains le prétendent, par exemple, dans le sens du prosélytisme, dans le sens d'essayer de forcer les gens à croire avec la contrainte, non, ça c'est pas permis, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Il n'y a pas de contrainte en religion, la vérité, hein, l'orientation, la guidance, la droiture, elle a clairement été distinguée de la déviation et de l'erreur. Donc, on n'a pas à contraindre ou à forcer les gens à croire, mais puisque de toute façon c'est pas possible, puisque le cœur, personne peut avoir un contrôle sur lui, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le fait de se soumettre ou d'accepter extérieurement l'islam sans y croire avec le cœur, hein, c'est une forme d'hypocrisie et de nifaq. Et c'est une mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'hypocrisie. Hein? Il accepte la foi de ceux qui y croient avec sincérité. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala et de leur clarifier la véracité de l'islam et de les inviter à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ça il y a rien de mal, et ça c'est pas de la contrainte, hein, d'expliquer aux gens les preuves de la vérité de l'islam, de la véracité de l'islam, ça c'est pas comparable à de la contrainte, ça c'est plutôt de l'argumentation et d'établir la preuve contre les kuffars et les mouchriquines pour leur expliquer la vérité. Parce que certains, parfois, comme je disais, ils s'imaginent que c'est une forme de contrainte. Des fois, quand tu parles avec un mouchrik ou un kafir ou un juif ou un chrétien, des gens de ces différentes fausses religions, eh bien, eux, ils s'imaginent, ils disent « Ah, mais arrête, laisse-le, il n'y a pas de contrainte en religion. » Non, il n'y a pas de contrainte. On n'a pas pris une arme pour le mettre sur leur tête, pour leur dire « Accepte l'islam, sinon je vais te tuer » ou des choses comme ça. Non, donc il n'y a pas de contrainte, c'est seulement la contrainte de la vérité. C'est-à-dire la vérité en elle-même, elle est contraignante pour la personne qui est sincère. Hein? Lorsque tu entends la vérité, c'est certain que tu es obligé, si tu es sincère, de l'accepter. Et ça, d'une certaine façon, on peut dire oui, c'est une sorte de contrainte par rapport à la vérité si tu es sincère, mais c'est pas une contrainte physique, hein. C'est une contrainte morale, une contrainte du cœur pour la personne qui a la foi. Donc ça c'est à propos de ce point-là. Ensuite, le cheikh il dit isbatul ilmi lillah. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, qu'il a la science complète et absolue, parce qu'il dit wa huwa a'lamu bil muhtadin, il mérite mieux, il connaît mieux qui mérite d'être guidé et qui mérite pas d'être guidé. Et également comme point numéro 4, rabi'an isbatul hikmati lillah, c'est d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse absolue. Hein? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qui mérite d'être guidé et qui ne mérite pas d'être guidé, et il guide selon sa sagesse et il égare selon sa sagesse. Hein? Donc ça c'est pour faire comprendre que l'égarement, elle a des causes, et la guidance, elle a des causes, et chacun sera guidé ou égaré selon ce qu'il mérite. Hein? Et Allah ne fait d'injustice à personne en les égarant ou en les guidant. Hein? Et le point numéro 5, ibtal at-ta'alluqi bi ghayrillah. Le point numéro 5, c'est le fait de prouver la fausseté de s'attacher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, ça c'est le cinquième point. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et, inshallah, on continuera demain, bi'idhnillah, la suite de l'explication, donc, des preuves qui sont mentionnées dans ce chapitre. Il y a le hadith de Ibn al-Musayyib qui va être mentionné, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'on va lire demain, inshallah. qui explique justement ce verset-là en détail, puis on probablement qu'on commencera le prochain chapitre également demain, inshallah. Donc, on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakum allahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous sa miséricorde et son tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à demain inshallah.